Baby love, tu es la seule à qui je confie ma vie. Baby love, quand je te regarde, je sais que Dieu existe. Tu es ma donna, donna, donna, donna, donna, donna, ima. Donna, donna, donna, donna, donna, donna, ima. Quand j'avais rien, t'étais là. Quand j'aurais tout, je veux que tu sois là. Ce qui est à moi est à toi. Passer mes jours d'avoir sous le même toit. Reste mienne, tu me vas si bien. Reste mienne, tu es si belle. Je remercie de très haut, t'es mon remède. Je te remercie pour la force, tu mets d'une grande aide. On se fait la guerre, mais celle et drap savent ce qu'on fait après. Ton pied, mon pied, si tu tombes, je te relève. Baby love, baby love, tu es la seule à qui je confie ma vie. Oui, ma vie. Baby love, quand je te regarde, je sais que Dieu existe. Tu es ma donna, donna, donna, donna, donna, donna, ima. Donna, donna, donna, donna, donna, donna, ima. Donna, donna, donna, donna, donna, donna, ima. Mon cœur, je te l'ai confié. Ma confiance, je te l'ai donné. Mais je t'avoue maintenant, j'en aimerais une autre. Elle t'appellera maman. Reste mienne, tu me vas si bien. Reste mienne, tu es si belle. Je remercie de très haut, t'es mon remède. Je te remercie pour la force, tu mets d'une grande aide. On se fait la guerre, mais celle et drap savent ce qu'on fait après. Ton pied, mon pied. Si je tombe, tu me relèves. Baby love, baby love, tu es la seule à qui je confie ma vie.